listen to this. Maintenant, écoutez ceci. I want to read 2 Peter. Je vais lire 2 Pierre. Chapter 3, verse 8. Chapitre 3, verset 8. 2 Peter, chapter 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verse 8, I'm reading. Verset 8, je lis maintenant. And he says, il dit, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1,000 ans, et 1,000 ans sont comme un jour. Can you focus on me now? Regardez vers moi maintenant. So I can explain this. En fait, que j'explique ça. We live in a generation. Nous vivons dans une génération of Twitter, de Twitter, Facebook, de Facebook, instant messaging, les messages instantanés, iCloud, les iCloud, iMac, iPhone, iPad. There is Dropbox. Yeah, the Dropbox. You just drop it and somebody in New York pick it from there. Il y a quelqu'un qui met ça et l'autre répond. That is the generation we are. Ça, la génération dans laquelle nous sommes. And I come before you. Mais je viens devant vous. And I talk to you about this visitation of the cloud of Jehovah. Et je vous parle de cette visitation de la nuée de l'Éternel. And I'm telling you. Ça veut dire that when you follow him, quand vous le suivez, he will give you direction. Il va vous montrer la direction. But what does it involve to follow him? Mais qu'est-ce qui implique de le suivre? Israel, when the cloud settled, quand la nuée s'est arrêtée, for 1 year, pendant une année, they stayed for 1 year. Ils restent là une année. 1 year. Une année. They stayed. Ils restent là. When it stayed from evening to morning, quand ils restent du soir au matin, they stayed from evening to morning. Ils vont rester aussi du soir au matin. This cloud, cette nuée, by giving you the direction of God, en vous donnant la direction de Dieu, he also gives you, il vous donne aussi, the timing of God, le temps de Dieu. Look at this now. Regardez ceci maintenant. In Deuteronomy, which I'm reading now, dans Deutéronome que je lis maintenant, you are going to appreciate this. Vous allez apprécier cela. Deuteronomy chapter 1 verse 33. Deutéronome chapitre 1 verset 31. You are going to appreciate what I've just said. Vous allez apprécier ce que je viens de dire. Deuteronomy chapter 1. Deutéronome chapitre 1 verse 33. Verset 33. Look at what he says. Écoutez ce qu'il dit. I'm beginning from 32. Je commence au 32. In spite of this, you did not trust in the Lord your God. Verse 33 now. He says, who went ahead of you on your journey in fire by night and in the cloud by day to search out the places for you to encamp, to show you the way you should go. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. God is tremendous. Dieu est merveilleux. Look at this. Regardez ceci. He's saying, il dit, that when the Lord was giving them direction, quand Dieu leur donnait la direction, this is what he did. Regarde ce qu'il faisait. The Lord, le Seigneur, the cloud was here, la nuée était là, and the cloud was not here. Et la nuée n'était même pas là. At the same time. Au même moment. Huh. Oh. Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. He's saying, il dit, when the cloud was here, quand la nuée était ici, settled, il s'est arrêté ici. He still went ahead to search out. Il est aussi allé devant pour aller chercher. Where the leopards and the lions of the desert are. Là où sont les lépards et les lions du désert. And the desert snakes. Et les dangereux serpents. And the jackals. Et les jaguars. And he left that side. Et il quitte cet endroit-là. And he found a better place. Il va trouver un endroit meilleur. With water. Avec de l'eau. And then he came back. Alors il revient. And he lifted. Et il se lève. And he said, come. Il a dit, venez. That is how he gave direction. C'est comme ça qu'il montait la direction. He went ahead and searched for them. Il allait en avance et cherchait l'endroit pour eux. The secure places. Un endroit sécurisé. The places with water. L'endroit avec de l'eau. And in that way, et à ce moment-là, when it was safe. Car c'était sécurité. He slowly led them. Doucement il les conduisait. Did you understand? Est-ce que vous avez compris? Listen to this. Écoutez ceci. In that way, de cette manière-là, the Lord, le Seigneur, ensured their safety. A assuré leur sécurité. In that way, de cette manière-là, as he brought them step by step, quand il les amenait étape par étape, he ensured they entered. Il était sûr qu'ils vont rentrer. That shocked me. Ça m'a choqué. Jehovah is not a joke. Jehovah the bad in black. Because he knew. Parce qu'il savait. There are women with children. Il y a des femmes avec des enfants. Because this was about 3 million people. Ça c'était aux alentours de 3 millions de personnes. So you can imagine. Tu peux imaginer. It's almost the size of your country. C'est à peu près la dimension de votre pays. The last person is far away with a woman with children. La personne derrière est loin là-bas avec les enfants, la femme avec les enfants. And the leopard can eat the children. Et le léopard peut manger les enfants. Did you understand what the Lord has come to do to the church? Vous avez compris ce que le Seigneur est venu faire à l'église? To do for the church? De faire pour l'église. Did somebody understand me? Est-ce que quelqu'un m'a compris? He said, il dit, to give them direction. De leur donner la direction. But in the process, mais dans ce processus, he went ahead. Il allait devant eux. And searched for them. Et cherchait pour eux. And then brought them. Après les amener à la. Now, maintenant, listen to the most important again. Écoutez la chose la plus importante. As the Lord gave them direction, comme le Seigneur leur montrait la direction, he could have taken the shortcut. Il pouvait la prendre sur le chemin court. The short road. Le chemin raccourci. But he did not. Mais il n'a pas fait cela. And he took a long road. Il a pris le chemin le plus long. And at one point, à un moment, he faced the Red Sea straight. Il a regardé en face la mer Rouge. He could have avoided the Red Sea. Il pouvait éviter la mer Rouge. But he decided to face the Red Sea straight. Mais il a décidé d'aller droit vers la mer Rouge. Direction of God. La direction de l'Éternel. When the Lord gives you direction, quand l'Éternel vous donne la direction, he did not avoid the Red Sea. Il n'a pas évité la mer Rouge. He faced the water straight like il a fait face à la mer comme ça. The direction of God, la direction de Dieu, is different from the direction of man. Est différent de la direction des hommes. Listen to this. Écoutez ceci. When he faced the Red Sea, quand il fait face à la mer Rouge, and because they obeyed, parce qu'ils ont obéi. Look at what happened. Regardez ce qui est arrivé. The Egyptian army, l'armée égyptienne, is pursuing them. Est en train de les poursuivre. Egyptian army, l'armée égyptienne. But when he faced the Red Sea, mais quand il faisait face à la mer Rouge, then he pushed the water this way. Alors il a poussé l'eau de ce côté. And pushed the water this way. Il a poussé l'eau de l'autre côté. And all of them, et tous, including the little children, même avec les petits enfants, he waited until they crossed. Il a attendu jusqu'à ce que tout le monde traverse. And the enemies of the people of God, et l'ennemi du peuple de Dieu, were drowned. Ils étaient noyés dans l'eau. The direction of God. La direction de Dieu. How about? Qu'en est-il? You, the church. Vous, l'église. If you refuse to follow the direction of God, si vous refusez de suivre la direction de Dieu, who will drown your enemies? Qui va noyer vos ennemis pour vous? Who will drown the enemies of the church? Qui va noyer l'ennemi de l'église? When the church is disobedient. Quand l'église est désobéissante. Because. Parce que. Whether the Lord faced the water like this, même quand le Seigneur fait face à la mer là, they just followed. Ils suivaient seulement. And when they crossed, et quand ils ont traversé, the enemies were wiped out. Et les ennemis étaient détruits complètement. How about the church? Qu'en est-il pour l'église? When I look at the church in Congo, quand je regarde l'église au Congo, you are so disobedient. Vous êtes tellement désobéissant. That's why you can dress the way you dress in France here. C'est pourquoi vous habillez comme vous habillez comme ça ici. That's why you can worship the way you do. C'est comme ça que vous adorez comme vous voulez. When you look at the church, quand tu regardes l'église, they are dancing. Ils dansent. They are dancing Congolese. Ils dansent les Congolais. If you are so disobedient, si vous êtes aussi désobéissant, then my question is this. Alors ma question est celle-ci. Who will drown the enemies of God? Qui vont noyer dans l'eau les ennemis de l'Éternel? Oh yes. Oh oui. If the church is so disobedient, si l'église est tellement désobéissante, who will lead you to the direction of the Red Sea? qui va vous amener dans la direction de la mer Rouge? Because they obeyed. Parce que ils avaient obéi. And their enemies. Et leurs ennemis. Were killed by God. Étaient tués par Dieu. Who will kill the enemies of the church? Qui va tuer les ennemis de l'église? The disobedient church. C'est l'église désobéissante. No. No. I just want to follow this direction. Je vais juste suivre cette direction là. No, that servant of God. Oh, ce serviteur de Dieu. No, he is teaching the Old Testament. Il enseigne l'Ancien Testament. He is legalistic. Il est légaliste. Me, I will follow this road. Moi, je vais suivre ce chemin ici. To go to heaven. Pour aller au ciel. And the Lord is laughing at you. Et le Seigneur se moque de toi. The Lord is asking. Le Seigneur demande. Do you think I'm stupid to send him? Vous croyez que je suis stupide de l'envoyer? You want to enter through another door. Vous voulez entrer par une autre porte? And I sent him to show you the door. Et je voulais envoyer pour vous montrer le chemin. The Lord says, okay, try with me. Et alors, essayez, vous allez voir. Try enter through another door. Essayez d'entrer par une autre porte, on va voir. Do you think God is irrelevant? Vous croyez que Dieu est irrelevant? Be careful. Faites attention. You don't know what I have seen. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai vu. No, you see me. Vous savez moi? I don't like that servant. He rebukes sin too much. Je n'aime pas ce serviteur. Il réprimande le péché tout très fort. We live in the dispensation of the grace. On vit dans la dispensation de la grâce. So much love. Il y a beaucoup d'amour. So much grace. Beaucoup de grâce. You know, we are here to edify the church. Oh non, vous savez, nous sommes là pour édifier l'église. To encourage people. Pour encourager les gens. In Brazil, I was told. Au Brésil, on m'a dit. That you see the Brazilians. Have suffered too much from the economic problems. Vous savez, les Brésiliens ont beaucoup souffert des problèmes économiques. So when you tell them to repent, alors quand vous leur dites de repentir, that is too much for them to bear. C'est très lourd pour eux de supporter. So they will not accept this. Alors ils vont pas accepter cela. Because they have gone through so much. Parce qu'ils sont passés par des grandes choses difficiles. I looked at them. Je les ai regardés. And I said, Oh God, have mercy. J'ai dit, Oh Seigneur, aie miséricorde. They want to stay naked like that? Ils veulent rester nus comme ça? As a church? En tant qu'église? And dancing carnival? Et danser le carnaval? And football? Et le football? How will they enter? Comment ils vont rentrer? Hallelujah! Hallelujah! So the Lord. Alors le Seigneur. When you follow the leading of the Lord. Quand tu suis la direction du Seigneur. The leading of the Lord. La direction du Seigneur. Also secures the church. Ça donne la sécurité à l'église. Bring safety on the church. Ça amène la sécurité dans l'église. Listen to me. Écoutez-moi. Number two. Numéro deux. God's leading. La direction que Dieu donne. Through this cloud. Au travers de la nuée. Brings companionship. Amène l'accompagnement. Companionship to the church. Ça amène l'accompagnement pour l'église. Why? Pourquoi? Because. Parce que. The road. Le chemin. I am leading you to. Dans lequel je vous amène. Can at times. Elle peut à un moment. Be very lonely. Être très solitaire. I'm telling you. Je vous dis. Don't wear tight skirts. Ne portez pas les jupes serrées. I am telling you. Je vous dis. Wear loose. Mettez les jupes larges. And I'm saying, et je dis, don't show your private parts. Ne montrez pas vos parties privées. Couvrez-vous jusqu'au cou. I'm saying, je dis, don't go to bar and drink. N'allez pas dans les bars et boire. I'm saying, je dis, some of your pastor friends. Servez les amis de vos pasteurs. They tell you, ils vont dire, oh, come visit me this weekend. Oh, viens me visiter ce weekend. Let us talk about how we can invite a white man from Montreal. On va dire comment on va inviter un homme blanc de Montréal. A white man. Un homme blanc. And eat his money. Et manger son argent. And then when you go there. Alors quand tu vas là-bas. In that pastor's fellowship. Dans cette réunion des pasteurs. There is no agenda of Christ. Il n'y a pas l'agenda du Christ. And you are talking about women. Et vous parlez des femmes. And money. Et de l'argent. And I'm telling you. Et je vous dis. That separate from that fellowship. Séparez-vous de ce genre de communion, de réunion. So the road. Parce que le chemin. That I'm leading you to. Où je vous amène. Is called the highway of holiness. Ça s'appelle l'autoroute de la sanctification. It can at times be lonely. As a ce moment, ça peut être solitaire. Solitaire. Solitaire. Sometimes. Des fois. It can be very lonely. Ça peut être solitaire. The road. Le chemin. I am leading the church to. Où j'amène l'église. If you work in the bank. Si tu travailles à la banque. Or hotel. Ou à l'hôtel. They tell you to dress in a certain way. On vous dit de vous habiller d'une certaine manière. And you refuse. Et tu refuses. And you dress holy. Et tu t'habilles saintement. They tell you to dress tight. On te dit d'amener les jupes serrées. And you refuse. Et tu refuses. You will find. Tu vas trouver. That you are alone there. Que tu es seul là-bas. That's why. C'est pourquoi. When you follow God's leading. Quand tu suis la direction de Dieu. And he leads you in the highway of holiness. Et qui te conduit sur l'autoroute de la sainteté. He also brings the companionship of God on this road. Il amène aussi la présence de Dieu dans ce chemin-là. Compagnon. Pour l'accompagnant. Oh yes. Oh oui. The companionship of God. L'accompagnement du Seigneur. So there is no solo. Alors il n'y a pas de solitude. Many times, plusieurs fois, many years, plusieurs années, the pastors all over the world, les pasteurs dans le monde entier, they thought, ils pensaient, I was walking alone, que je marchais seul. They thought I was alone. They said he's a lone ranger. Ils ont dit qu'ils étaient solitaires. But they were very surprised. Mais ils étaient très surpris. There is so much companionship here. Il y a tellement d'accompagnement ici, de compagnons. Because, parce que Israel was used to the fellowship in Egypt. Israël était habitué à la communion fraternelle en Égypte. Greeting each other, high five. De se saluer, high five. Eating pots of meat. Mangeant les pots de viande. Going to build the pyramids. Aller bâtir la pyramide. And then the Egyptian friends come. Alors les amis égyptiens venaient. When they walk in the gardens. Quand ils marchaient dans les jardins. They used to be given fruits to take. On leur donnait quelques fruits à amener à la maison. And they sat in groups. Alors ils s'asseyaient en groupe. And they raised their children. Ils ont élevé leurs enfants. But when the Lord came to lead them through this cloud. Alors quand l'Éternel est venu pour les conduire dans cette He removed them from that fellowship. Il les a sortis de cette communion fraternelle. And he put them on the way to the wilderness. Il les a mis sur le chemin du désert. They needed the companionship of God. Ils avaient besoin de l'accompagnement de l'Éternel. That is why. C'est pourquoi God himself. Dieu lui-même. Came down. Il est descendu. And lived in the human tent. Il a vécu dans une tente humaine. And observed. Il a observé. A holy pilgrimage with Israel. Un pèlerinage saint avec Israël. To Jerusalem. À Jérusalem. Companionship. L'accompagnement. The highway of holiness. L'autoroute de la sainteté de Dieu. No smoking. Il n'y a pas de fumée de cigarettes. No drinking. Il n'y a pas d'alcoolisme. No lusting at women with your eyes. Ne convoitise des femmes avec tes yeux. No talking about the dollars from America. Ne pas parler des dollars américains. Only preaching holiness. Seulement prêcher la sanctification. Your daughters. Vos filles. Dressing holy. S'habille saintement. Your wife. Vos femmes. Dressing holy. S'habille saintement. When people go to other gatherings. Car les gens vont dans d'autres rassemblements. If that meeting is not in the name of the Lord. Si cette réunion n'est pas au nom du Seigneur. You separate with your family. Vous séparez avec vos enfants. Sometimes. Des fois. It can be lonely. Ça peut être solitaire. And that's why. C'est pourquoi. You need the fellowship of the Lord. Vous avez le besoin de la compagnie de Dieu. The moment of truth. Le moment de vérité. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Oh oui. At lunch time. Au moment du lunch. In that bank. Dans cette banque. When people are going for lunch together. Quand les gens partent pour prendre leur lunch ensemble. You remain sitting in the office. Toi tu restes seul dans le bureau. With your packed lunch. Avec ton repas. The food that remained yesterday. La nourriture qui est restée hier. Some little fufu. Un peu de fufu. And the leaves of cassava. Et les pondu. And two pieces of meat. Et deux morceaux de viande. And water. Et de l'eau. You added a little lemon. Et tu as mis un peu de citron. And you are eating and reading the Bible at lunch time. Pendant le temps de lunch, tu manges mais tu lis ta Bible. People are going to McDonald's. McDonald's. Les gens vont McDonald's. They are going together. Ils vont ensemble. But you have remained reading the Bible. Mais toi, tu es resté lire la Bible. They ask you. On te demande. What is wrong with you? Qu'est-ce qui va pas avec toi? These days you don't take our phones. Ces jours-ci, tu ne réponds plus au téléphone. And you don't dress like us. Et tu ne t'habilles pas comme nous. And your boss is warning you. Et ton manager te pointe du doigt. That dressing. Cette façon de s'habiller. You will have to explain to me what that is. Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Sometimes. Des fois. When the Lord removes you from Goshen. Quand le Seigneur te sort de Goshen. From Egypt. De l'Égypte. He may take you into the wilderness. Il peut t'amener dans le désert. And it can be lonely. Et tu peux être seul. That's why you need the fellowship of Jehovah. C'est pourquoi tu as besoin de la compagnie de l'Éternel. And in that fellowship, et dans cette compagnie, la communion, is much better than the fellowship of men. C'est mieux que la compagnie des hommes. Let us read now. Lisons maintenant. Exodus 33. Exode 33. Exodus 33. Exode 33. How tremendous. Alléluia. This is big. Ça c'est grand. This is the first time I'm giving this message. Ça c'est la première fois que je donne ce message. This one I have not given this one. Demandez-le. I have gone all over the world. Je suis allé dans le monde entier. With this visitation. Avec cette visitation. But I have not given what I'm giving today. Mais je n'ai jamais donné ce que je donne aujourd'hui. Congo Brazzaville is number one. Congo Brazzaville est numéro un. Exodus 33. Exode 33. 33. Exode 33. And he says, Exodus 33 verse 14. Verset 14. He says, il dit, the Lord replied, l'Éternel répondit, my presence will go with you and I'll give you rest. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Can I explain? Est-ce que je peux expliquer? Moses asked him. Moïse lui a demandé. Lord, Seigneur, you are telling us to go this way. Tu nous dis d'aller dans cette direction. But if your presence does not go with us. Mais si ta présence ne va pas avec nous. Please don't send us this way. Si te plaît, ne nous envoie pas aller là-bas. Probably there are so many leopards and lions. Peut-être il y a beaucoup de léopards et de lions. That will eat the babies. Qui peuvent manger les bébés. So many desert snakes. Il y a beaucoup de serpents de désert. They knew. Alors ils savaient. They were leaving the city and the towns. Ils vivaient dans les villes et dans les cités. And entering the way of the Lord. Et entrer dans la voie du Seigneur. You are telling us to go through this wilderness. Oh, tu nous dis d'aller au travers de ce désert. Please. S'il te plaît. If you don't come with us. Si tu ne viens pas avec nous. Please don't allow us to go this way. Non, ne nous permets pas d'aller là-bas. There are so many desert pirates. Il y a beaucoup de pirates de désert. They wait for people, caravan, and they attack. Ils attaquent les caravans des gens. Ils attaquent les gens dans les déserts. And he said, alors il dit, don't worry. Ne vous inquiétez pas. My presence, ma présence will go with you. Va partir avec vous. Let us see why. Voyons pourquoi. Isaiah 35. Isaiah 35. Isaiah chapter 35 verse 8 and 9. Esaïe 35, verset 8. Sometimes, des fois, I found out, je me suis rendu compte, the reason the church is fallen, la raison pour laquelle l'église est en train de tomber, she does not fast. Elle ne jeûne pas. When you fast, quand tu jeûnes, it kills the flesh. Ça détruit la chair. Oh yes. Oh oui. That's the truth. C'est la vérité. Isaiah 35. Esaïe 35. Verses 8, verset 8 and 9. Et 9. And he says, il dit, and the highway will be there, it will be called the way of holiness. The unclean will not journey on it, it will be for those who walk in that way. Wicked fools will not go about on it. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, comme les insensés, même les insensés ne pourront s'égarer. No lion will be there, nor will any ferocious beast get on it. They will not be found there, but only the redeemed of the Lord will walk there. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne les prendra, Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Alléluia. Amen. He's saying, il dit, that when you follow the leadership of God, quand tu suis le leadership de Dieu, He has come. Il est venu. To help the church. Pour aider l'église. To lead the church. Pour conduire l'église. But when you follow this leadership, quand tu suis cette conduite, He will lead you, il va vous conduire, through the highway of holiness. Sur l'autoroute de la sainteté. And sometimes, et des fois, you will fear, tu auras peur, that highway. Cette autoroute là. Oh. Oh. I am used to calling my friends. Je suis habitué à appeler mes amis. And I tell you, et moi je te dis, delete those phone numbers. Détruis ces numéros de téléphone. Change the SIM card. Change le SIM card. If those pastors, si ces pasteurs, if that pastor's fellowship, cette communion de pasteurs là, leads you to sin, vous conduit au péché, has no agenda for Christ, n'ont aucun agenda pour le Christ, cut that contact. Coupe ce contact là. Stand for Christ. Mettez-vous pour le Seigneur. And sometimes, et des fois, you say no. Il dit non. This has been my friend. Ce sont mes amis. Since we were 13 years old. Depuis qu'on avait 13 ans. We are used to each other. Nous sommes habitués l'un à l'autre. When I have no milk in my house. Quand je n'avais pas de lait dans ma maison. He is the first person to know. Il est la première personne à le savoir. I am saying. Je suis en train de dire. If you depend so much on that fellowship, si tu dépends beaucoup de ce genre de communion fraternelle, the more you should cut it now. Alors maintenant tu dois couper ce contact maintenant. Oh yes. Oh oui. If you are sucking from that relationship, si tu suces de cette relation fraternelle, the umbilical cord, la cordon ombilical, you are sucking. Tu es en train de le sucer. That is why I say, c'est pourquoi je dis, now you must cut it. Maintenant tu dois le couper. And depend on the Lord. Et dépendre de l'Éternel. The highway of holiness. La route sainte de Dieu. It may look lonely. Ça peut sembler solitaire. But when you follow there, mais quand tu suis là-bas, you will find out, tu vas trouver, it is the safest way. C'est le chemin le plus sécuritaire. There is no danger. Il n'y a pas de danger. Eternal. L'Éternel will protect you there. Va te protéger là-bas. And when you look at your friends, et quand tu regardes tes amis, abortion, ils sont dans la mort, dans l'avortement, HIV, dans le sida, tuberculosis, dans la tuberculose, sida, dans le sida. Oh yes. Oh oui. You will be shocked. Tu seras choqué. This is the highway of safety. Ça, c'est l'autoroute de la sécurité. But in the eyes of the world, mais dans les yeux des hommes, they think it's lonely. Ils pensent que c'est solitaire. Be careful. Faites attention. Isaiah 40 verse 10. Esaïe 40 verset 10. Only one verse. Juste un verset. Then I move on. Après, je vais avancer. Isaiah 40 verse 10. Esaïe 40 verset 10. I am removing you, parce que je vous sors, from your acquaintances, de vos habitudes, from the Goshen of your life, de vos Goshen de vie, where you are used, your familiar, où vous êtes familier, vous êtes habitué, that you are in slavery, mais vous êtes à l'esclavagisme, and I want to push you straight through the wilderness, alors je vais vous pousser là dans le désert, we are going to Jerusalem, on va à Jérusalem, hallelujah, hallelujah. Isaiah 40 verse 10. Esaïe 40 verset 10. See, the sovereign Lord comes with power and his arm rules for him. See, his reward is with him and his recompense accompanies him. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Now, maintenant, I even found out, je me suis rendu compte, that there is recompense on this highway. J'ai découvert que sur cette autoroute aussi, il y a la récompense. There is reward. Il y a la récompense. For those who follow this way. Pour ceux qui suivent ce chemin. When you hear, quand tu entends, how alcohol, comment l'alcool, and prostitution, et la prostitution, has destroyed another home, a détruit notre maison. You that walk on this way, toi qui marches sur cette autoroute, still standing, tu es toujours debout, still safe, tu es toujours en sécurité, until you enter, jusqu'à ce que tu vas entrer. It is not a joke to walk with God. Ce n'est pas une blague de marcher avec Dieu. He cares very much. Il prend beaucoup de soin. Many times in the dream, plusieurs fois dans le rêve, he walks with me on my right hand side. Il marche avec moi du côté droit. Until one time, jusqu'à un moment, I asked him. Je lui ai demandé. Because he's always speaking from here as well. Parce qu'il ne parle toujours du côté droit. Then I asked him. Je lui ai demandé. I said, Lord, Seigneur, can I see he that speaks with me? Est-ce que je peux voir celui qui me parle? That's the day. Ça c'est le jour. That night he walked a little bit in front like this. C'est ce jour-là qu'il a marché un peu plus près de moi. And I saw the glorious garment. Et j'ai vu la glorieuse vêtement, le glorieux vêtement. Everything radiated like this in front. Et tout a radié autour de moi. He answered. Il a répondu. And many times, even as we are going, plusieurs fois même quand nous partons, when he's going to show me something, quand il veut me montrer quelque chose, he even tells me, il me dit, to watch out on this stone and that stone. Faites attention à cette pierre devant toi et à l'autre pierre devant toi. There is care. Il s'occupe, s'inquiète de vous. And recompense. Et il y a la récompense. In walking with the Lord. En marchant avec l'Éternel. And the Lord is saying. Et le Seigneur dit. That at this hour. À cette heure-ci. There are going to be two types of nations. Il y aura deux types de nations. If you are a nation. Si vous êtes une nation. Like Congo Brazzaville. Comme Congo Brazzaville. Where the ambassador, His Excellency the ambassador. Oh, son excellence l'ambassadeur. Comes to me in Nairobi. Viens vers moi à Nairobi. He calls the bishop. Il appelle le bishop. Can I talk to the prophet? Est-ce que je peux parler au prophète? When can I meet him? Quand est-ce que je peux le rencontrer? And he comes. Et il vient. And he sits down. Et s'assoit. And he says, please. Il dit, s'il vous plaît. I see the revival here. Je vois le réveil ici. How about Congo Brazzaville? Qu'en est-il de Congo Brazzaville? Can you come and help our pastors? Est-ce que tu peux venir aider nos pasteurs? Please come. S'il te plaît, viens. If you are that type of country, si vous êtes un pays comme celui-là, where the leaders have so much wisdom like this, comme les leaders ont beaucoup de sagesse comme ça, when he goes all the way to invite the man of God, là, il va juste à inviter l'homme de Dieu, whose message is bitter, comme obtient un message amer. It is not a message of prosperity. C'est pas le message de la prospérité. It is a message of purity. C'est le message de la pureté. Holiness. La sainteté. Righteousness. La justice. Repentance. La repentance. Messiah is coming. Le Messiah. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Stand back. Revenez. When you are that nation, ça comme de cette nation, if you continue walking in that way, si vous continuez à marcher dans cette direction, that nation, cette nation, will walk the highway of holiness, va marcher dans l'autoroute de la sainteté, and you will become, et vous deviendrez, the sheep nation of God, la nation des brebis du Seigneur, the sheep nation, la nation des brebis du Seigneur, but the goats nation, the goats, mais la nation des chèvres et des boucs, of the goats, ces boucs. They walk another road. Ils marchent sur un autre chemin. And when the Messiah comes, et quand le Messie arrive, the sheep nations, la nation des brebis, will assemble. Va se rassembler. Ambassadors, l'ambassadeur, they don't come. Ils ne viennent pas. Never. Never. No. Jamais. The U.S. ambassador, l'ambassadeur des États-Unis, the Canadian ambassador, l'ambassadeur du Canada, to come before me. Venez devant moi. And say, please, how about America? Comment est-il pour l'Amérique? Let Congo Brazzaville enter heaven. Laisse que Congo Brazzaville entre au ciel. Which year? Quelle année? 2014. When everybody is modern. Quand tout le monde est moderne. When everybody rejected God. Quand tout le monde rejette Dieu. Then the ambassador. Alors l'ambassadeur. Appear. Apparaît. And say. Et dit. Men of God. L'homme de Dieu. We need this holy message. On a besoin de ce message saint. The Canadian ambassador. L'ambassadeur canadien. The U.S. ambassador. L'ambassadeur américain. Even the Kenyan ambassador. Même l'ambassadeur du Kenya. They will not come. Ils ne viendront pas. Even if you commit suicide, they will not come. Ils ne viendront pas. Let Congo Brazzaville enter. Que Congo Brazzaville entre. Let them go into the highway of the Lord. Dans l'autoroute de Dieu. Until they enter. Jusqu'à ce qu'ils entrent. I respect you. Je vous respecte. I honor you. Je vous honore. Because you have honored my God. Parce que vous avez honoré mon Dieu. Let let this nation enter. Que cette nation entre. Whatever the problem is, quel que soit le problème que vous avez, let us just repent and begin anew and enter. Répandez-vous seulement et recommencez et entrez. No problem is greater than God. Il n'y a pas un problème plus grand que Dieu. Whatever the historic problem is, quel que soit le problème historique, whether you have historical problems like Kenya, même si vous avez un problème historique comme Kenya, let us just begin anew and enter. Et on commence à nouveau en entre. This is a beautiful nation. C'est un pays merveilleux. The nation that fears the Lord. Le pays qui craint l'Éternel. I looked at you. Je vous regarde. And I trembled. Et je tremble. I said, where is Kenya? Je dis, où est Kenya? But Congo. Mais le Congo. Whatever the Lord has deposited here. Tout ce que Dieu a déposé ici. Now that I have come. Maintenant que je suis venu. He is going to clean up. Il va nettoyer. And give you a new nation. Et vous créer un pays nouveau. A nation. Le pays. Whose God. Mon Dieu. Is Jehovah. Et Jehovah. Oh yes. Oh oui. I am shocked. Je suis choqué. I am amazed. Je suis étonné. And I'm crying for all nations. Et je crie pour toutes les nations. I'm waiting for the ambassador of France. J'attends l'ambassadeur de la France. I hope he can come. J'espère qu'il pourra venir. I know they are higher than God. Je sais qu'ils sont plus grands que Dieu. But I hope they can come. Mais j'espère qu'ils pourront venir. The holy words of God. La parole sainte de Dieu. They make my bones weak. Ça a rendu faible mes os. Very weak. Très faible. My bones. Mes os. The holy words of Jehovah. Les saintes paroles de l'Éternel. 2014. The modern age. L'âge moderne. When many nations have forgotten God. Quand beaucoup de nations ont oublié Dieu. Then the Congolese ambassador. Alors les ambassadeurs congolais. He comes. Il vient. Man of God. L'homme de Dieu. We want you to come. Nous voulons que tu viennes. Because we know the Lord will use you very mightily there. Parce que nous savons que Dieu va t'utiliser puissamment là-bas. Listen to this. Écoutez ceci. The visitation of the cloud of God in the church. La visitation de la nuée de Dieu dans l'église. Another thing he does. Une autre chose qu'il fait. He distinguishes his people. Il distingue son peuple. This is the first nation where I'm teaching this. Ça c'est le premier, la première nation où j'enseigne ces choses. These are the oracles, the scrolls. Ça ce sont les oracles de Dieu. That I was writing about this visitation. Que j'étais en train d'écrire sur cette visitation. But I am about to publish. Mais je suis sur le point de publier. In the web. Dans les websites. So we will need a French translation. Alors on aura besoin d'une traduction française. Because on the web. Parce que dans les sites. It is free of charge. C'est gratuit. Anybody can print anywhere in the world. N'importe qui peut imprimer dans n'importe quel coin du monde. Because we put in PDF. Parce qu'on met ça en PDF. So you see. Ah, vous voyez. When it's about to come out, now I am giving for the first time. Maintenant, je suis venu en train de donner pour la première fois. Listen to this. Écoutez ceci. When God's cloud. Quand la nuée de Dieu. Becomes tabernacled in the church. Et dans le tabernacle de l'église. Dans l'église. Tabernacled. Est devenu un tabernacle. In the church. Dans l'église. He brings this. Il amène ceci. He distinguishes his elect from the rest. Il distingue ses élus du reste des gens. That is the main purpose. Ça c'est le but principal. Why he comes. Pourquoi il vient. And that's why. C'est pourquoi. Even this ministry now. Même ce ministère ici maintenant. All over the world. Dans le monde entier. Every country. Chaque pays. All pastors fellowships. Tous les réunions de pasteurs. Please come. S'il vous plaît venez. Please come. S'il vous plaît venez. We know the Lord has visited you. Nous savons que Dieu vous a visité. Even this ministry. Même ce ministère. He distinguishes it from the rest. Il les a distingués de tous les autres. Now that he has come to the church. Maintenant qu'il a établi ça à l'église. He is going to distinguish this church from the rest of the world. Du reste du monde. The church in Congo Brazzaville. L'église au Congo Brazzaville. That is the role. Ça c'est la route. That is the main role. Ça c'est le rôle principal. Why he came? Pourquoi il est venu? Because this is the main point. Parce que c'est le point capital. I was just beginning small points. Now this is the point. Ça c'est le point capital. Even Israel. Même Israël. When he visited Israel, quand il a visité Israël, the purpose was, le but était, when they follow him, quand ils vont le suivre, they became the first nation, ils devaient la première nation, to ever follow God like this, qui n'a jamais suivi Dieu comme ça, on a daily basis, sur un plan journalier. So they became, alors ils sont devenus, the covenant people of Jehovah, le peuple d'alliance de l'Éternel. Until today. Jusqu'aujourd'hui. Because of following this. À cause de suivre ceci. This is the main point. Ça, c'est le point important. Can we begin? Est-ce qu'on peut commencer? Are we ready to begin? Est-ce qu'on est prêt à commencer? Number one. Numéro un. Exodus 33. Exode 33. Verses 15 and 16. Versets 15 et 16. I know the Kenyans are very shocked. Je sais que les Kenyans sont très choqués. So the Kenyans can learn from Congo Brazzaville. Afin que les Kenyans puissent apprendre du Congo Brazzaville. Exodus 33 verses 15 and 16. Exode 33 verset 15 à 16. He says. Il dit. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Moïse lui dit. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from the other people on the earth, the other residents of the earth, the other inhabitants of the earth? Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse, he dared ask. Il a demandé. He dared. Il a osé demander. He dared ask God. Il a osé demander à Dieu. He said. Il a dit. Now that you have visited us. Maintenant que tu nous as visités. And we have eaten from your hands. Et nous avons mangé de ta main. Manna. La manne. And you have been here. You have led us. Et tu as été ici et tu nous as conduits. The cloud is here. La nuée est ici. How will those people know? Comment est-ce que ce peuple-là sauront? That you have visited us. Que tu nous as visités. Ah. Oh. That is the message. C'est ça le message. Hallelujah. Ah. He's saying. Il dit. Now that you have visited the church. Maintenant que tu as visité l'église. How will the rest of the people of the earth know that you have done this? You have visited us. And you are leading us, and we are fed from your hands. Comment est-ce que les autres peuples sauront que tu nous as visités, que tu as fait ceci, et que nous avons mangé de ta main? Listen to me. Écoutez-moi. Very carefully. Attentivement. Now pay attention. Maintenant, faites attention. This is the most important point. Ça, c'est le point le plus important. Why he came. Pourquoi il est venu? Listen now. Écoutez-moi. Moses asked God. Moïse a demandé à Dieu. How will they know? Comment sauront-ils? That you have come. Que tu es venu. And visited us. Et que tu nous as visités. And you like us. Et que tu nous aimes. Pastors, are you happy? Pasteur, est-ce que vous êtes content? Because. Parce que. The prophets of the Bible. Les prophètes de la Bible. When they saw this. Quand ils ont vu ça. They cried. Ils ont pleuré. They said. Ils ont dit. How I wish. Comment je souhaiterais. I can live to see that generation. Je pourrais vivre pour voir cette génération-là. If you don't see joy in this. Si vous ne voyez pas la joie dans ça. You are on another road. Vous êtes sur un autre chemin. Hallelujah. Hallelujah. Make sure you see joy. Soyez sûr d'être avoir la joie. And favor in this. Et la faveur dans ça. If you don't see. Et si vous ne voyez pas. I know you are walking on another road. Je sais que vous marchez sur une autre route. Two different destinations. Deux destinations différentes. Moses asked. Moïse a demandé. Lord. Seigneur. Now that you have visited. Maintenant que tu as visité. What is it? Qu'en est-il? That will distinguish us and the rest of the world. Qu'est-ce qui va nous distinguer, nous, du reste du monde? Can I explain? Je peux expliquer. Listen to this. Écoutez ceci. When Moses asked, quand Moïse a demandé, he did not know he asked a big question. Il ne savait pas qu'il a posé une grande question. Listen to this. Why? Écoutez ceci pourquoi? Because. Parce que the Lord told him this. Le Seigneur lui a dit ceci. Wherever the glory of the Lord visits. Partout où la gloire de Dieu visite. I did not say whenever. I said wherever. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Je dis où que ce soit. I'm going to come to whenever. Je viendrai à quand que ce soit. Wherever the glory of the Lord descends. Où que ce soit que la gloire de Dieu descend. And when I look at this, this seems like a Christian crusade. Je regarde, je dis, mais ça c'est comme une croisade chrétienne. This is a crusade. Ça c'est une croisade. That means this is the house of the Lord. Ça veut dire que ça c'est la maison du Seigneur. Wherever the glory of the Lord visits. Où que la gloire de Dieu visite. When he visits a place. Que ce soit un endroit. The first thing he does is this. La première chose qu'il fait c'est ceci. He sanctifies that place. Il sanctifie cet endroit là. Number one. Ça c'est la première chose. He first sanctifies. Premièrement, il sanctifie l'endroit. Those who are making notes, this is the time to write. Ceux qui écrivent, c'est le moment de prendre les notes. He sanctifies that place. Il sanctifie l'endroit. And when the glory comes down, et quand la gloire descend, the glory of God the Father, la gloire de Dieu le Père, and sanctify a place, et sanctifie l'endroit, then he consecrates that place. Alors il consacre cet endroit. Then he consecrates. Alors il consacre l'endroit. And after he has consecrated that place, après qu'il ait consacré l'endroit, then number three. Alors, troisième point, he declares il déclare that place que cet endroit to be holy ground. Ça devient une terre sainte. Holy ground. Ça devient une terre sainte. Sanctify. Sanctifier. And then consecrate. Et alors consacrer. After consecrating. Après consacrer. Then declare. Alors déclare. This is holy ground. Ça c'est un endroit saint. After he has done that, après qu'il ait fait ça, after he has declared this place of my visitation is now holy ground, maintenant qu'il a déclaré que ce lieu de ma visitation est maintenant une terre sainte, the people who are visited there, les gens qui vivent là-bas, they become, ils deviennent God's holy people, le peuple saint de Dieu. They now. That's very powerful. Ça c'est puissant. You know where I'm heading. Tu sais où je pars. You now know where I'm heading. Tu vois où je pars. He says. Il dit. He first sanctified. Il premièrement il sanctifie l'endroit. And then consecrate. Après le consacre. After consecrating. Après l'avoir consacré. He declares. Il déclare. Behold. Voici. This is now holy ground. Ceci est une terre sainte. Number four. Quatrième chose. The people visited there. Les gens qui visitent là. The people in that holy ground. Les gens qui habitent cette terre. They now change. Ils changent maintenant. And they become. Ils deviennent. God's holy people. Le peuple saint de Dieu. God's holy elect. Le peuple élu de Dieu. They become. Ils deviennent. The treasured possession of God. Le trésor que Dieu possède. Step by step. Étape par étape. God's holy people. Le peuple saint de Dieu. And when they become, that's number five. When they become God's holy people. Quand ils deviennent le peuple saint de Dieu. They are now given. Il leur est donné. God's special assignment. Ils ont maintenant un devoir de Dieu à faire. What is the assignment? Quel est le devoir à accomplir? To observe. D'observer. A holy worship unto the Lord. D'observer. Une adoration sainte à l'Éternel. So number five. Alors numéro 5. God's holy people. Le saint peuple de Dieu. Bring a holy worship to the Lord. Doit apporter une adoration sainte à l'Éternel. Moses asked. Moïse a demandé. But how will the people of the world know? Comment est-ce que le peuple du monde saura? That you have visited us. Que tu nous as visité. Now you are getting the answer. Maintenant vous êtes en train d'avoir la réponse. That now, que maintenant, you become God's holy people. Vous devenez un peuple saint de Dieu. And that holy people, ce peuple saint, the assignment, leur devoir, is holy worship. Dans l'adoration sainte. He's telling Moses, il dit à Moïse, how the people of the world, comment les peuples du monde, will know that I have visited you. Sauront que je vous ai visité. How they will know, comment les sauront-ils, that I have visited you. Que je vous ai visité. He thought, il pensait, God was going to tell him, take this car, walk with it or whatever. I don't know what he expected. Je ne sais pas quel qu'il attendait, Moïse. But listen, let's read. Mais écoutez, lisons. Let's read right away. Lisons. The book of Exodus chapter 3. Exode 3. Verses 4 to 6. Exode 3, 4 à 6. Oh. This is powerful conference. Ça, c'est une conférence puissante. This is what I mean by a powerful conference. Ça, c'est ce que je dis une conférence puissante. All the other conferences you go to, toutes les autres conférences où vous allez, oh, who will buy lunch, oh, qui va acheter le lunch, who will pay what, qui va payer quoi, and the man is telling you, et le monsieur vous dit, do you know how much this suit costs? Est-ce que vous savez combien ça coûte ma veste? When I visited America, quand je visitais les États-Unis, somebody just stopped and said, Pastor, I want to buy your suit. Quelqu'un s'est arrêté et dit, Pasteur, je vais vous acheter un costume. That is something else. Ça, c'est quelque chose d'autre. I am talking about, ici je parle, the glorious kingdom of God. Le royaume glorieux de Dieu. Do you know how much, and you know the French style, they have style. Vous savez les styles français. They have style. Ils ont un style. Do you know how much my shoes cost? Vous savez combien ça coûte mes chaussures? Who cares? Qui s'occupe de ça? Who cares? Qui s'occupe de ça? Who will go to heaven with this? Qui va aller au ciel avec ces habits-là? Hallelujah. Hallelujah. So he's saying, alors il dit, God's holy people, le peuple saint de Dieu, God's holy elect, les élus saints de Dieu. Exodus chapter 3. Exode 3. Verses 4 to 6. Verset 4 à 6. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. L'Éternel fit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Verse 5. Verset 5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. At this Moses hid his face because he was afraid to look at God. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Wow. Hallelujah. He says, il dit, that when the glory came down, car la gloire est descendue, the glory of the Godhead, la gloire de Dieu le Père, as a burning bush. Dans le buisson ardent. Look at what happened. Regardez ce qui est arrivé. When the glory came, quand la gloire est venue, he declared that place, il a déclaré cet endroit, holy ground, la terre sainte. And if you follow carefully, et si tu suis attentivement, Moses, Moïse, was busy shepherding. Il était occupé à battre les brebis. Shepherding, à battre les troupeaux. The sheep of Jethro, les brebis de Jethro, his father-in-law. Son beau-père. When your father-in-law, quand ton beau-père, in Africa here, ici en Afrique, when your father-in-law gives you sheep, quand ton beau-père te donne des brebis, and he gives you 100 sheep, il te donne 100 brebis, and he says, please shepherd this sheep, il te dit, s'il te plaît, prends-moi les brebis ici, you start trembling like this. Tu vas commencer à trembler comme ça là. Because you say, what have I done? Parce que tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? What bad thing have I done? Quelle mauvaise chose est-ce que j'ai fait? Why is he doing this to me? Pourquoi il fait ça à moi? Because you know, parce que tu sais, he's testing you. Il est en train de te tester. Can this man, est-ce que cet homme, be a good husband, sera un bon mari, to my daughter, à ma fille? You begin to wonder, what have I done? tu commences à te demander qu'est-ce que je fais. Because you know, parce que tu sais, you cannot come back in the evening. Tu ne peux pas revenir le soir. And look at your father-in-law. Et te regarder ton beau-père. And tell him. Et lui dire. You know what? Tu sais quoi? I just want to kneel down and repent. Je dois m'agenouiller et me repentir. Today I have lost 10 sheep. Aujourd'hui j'ai perdu des brebis. You cannot. Tu ne peux pas faire ça. He will know you are not capable. Il saura que tu n'es pas capable. So, alors, you must be a good shepherd. Tu dois être un bon berger. Moses was a good shepherd. Moïse était un bon berger. Keeping the sheep of Jethro. Gardant les moutons de Jethro. And you know the sheep. Et vous savez que les brebis. In Congo Brazzaville here. Congo Brazzaville ici. When you have a farm. Quand vous avez une ferme. With 1,000 sheep. Avec 1,000,000 de brebis. That is your wealth. Ça c'est ta richesse. So Moses. Alors Moïse. Was keeping the wealth of Jethro. Il gardait la richesse de Jethro. And then, alors, all of a sudden, et he sees the visitation of Jehovah. Il voit la visitation de l'Éternel. All of a sudden, et soudainement, yesterday, hier, probably, he was there grazing there. Il était là. He was grazing there, feeding the sheep there. Il était là, en train de perdre les brebis. Because the shepherds, parce que les bergers, they always keep the sheep in a certain place. Ils amènent les brebis à un certain endroit. For about 1 week. Pendant une semaine. And then move to another place. Après une semaine, ils vont à un autre endroit. Allow it to grow. Pour permettre aux herbes de pousser après. The grass to grow. Après que l'herbe pousse après. And then they move like that. C'est comme ça qu'ils font. So, alors, probably Moses was there yesterday. Probablement Moïse était là hier. Walking around with the sheep. Il marchait avec les brebis. Et il sifflait. Whistling. Il était en train de siffler. A good shepherd. Un bon berger. But when he comes back today. Mais quand il est revenu aujourd'hui. The same place. Au même endroit. Where he was pocketing and whistling yesterday. Là où il avait la main dans la poche en train de siffler. When he comes back today. Quand il revient au même endroit. And the glory chooses to visit there. Et la gloire a choisi de visiter l'endroit. When he tries to come. Quand il a essayé de venir. And he says. Il a dit. When the Lord saw. Quand le Seigneur a vu. That he had gone there to look. Quand il a voulu regarder. Then he called him from the glory. Alors il l'a appelé à la gloire. And he said. Il dit. Moses, Moses. Moïse, Moïse. And Moses said. Et Moïse dit. Here I am. Me voici. It became. Ça devient. The classic calling of the prophet of the Lord. Ça devient l'appel classique de l'Éternel. When I was in Israel. Quand j'étais en Israël. And this same cloud appeared before me. La même nuée est apparue devant moi. On Mount Carmel. Au Mont Carmel. University of Haifa. À l'université de Haifa. In the night. Dans la nuit. And he called me from there. Il m'a appelé de là. He called me twice. Il m'a appelé deux fois. And he made me know. Il m'a fait comprendre. He has called me. Qu'il m'a appelé. He made me know. Il m'a fait comprendre. That if I say yes. Si je dis oui. Then everything in my life is finished. Et alors toutes choses dans ma vie sont finies. Everything I was pursuing. Toutes les choses que j'ai poursuivies, ça va s'arrêter là. To the garbage. Dans la poubelle. That he made me know. Il m'a fait connaître ça. In fact, that's the reason I began to run away. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai commencé à courir, à fuir. For some years I ran away from God. Pendant des années j'ai commencé à fuir Dieu. I did not know. Je ne savais pas. So, alors, Moses may have been there yesterday. Hier, Moïse a peut-être été là au même endroit. The Lord, le Seigneur, he created the whole earth. Il a créé toute la terre. And he can choose. Il peut choisir. Where to visit. Où visiter. By his grace. Par sa grâce. But when he chooses a place. Mais quand il choisit cet endroit. And he decides to visit that place. Et il décide de visiter cet endroit-là. When Moses saw. Là, qu'est-ce que Moïse a vu. And he says. Moïse dit. When he saw that he had gone there to look. Quand il a vu qu'il s'est détourné pour voir. Moses, Moses. Moïse, Moïse. And Moses answered. Moïse répondit. Here I am. Mais voici. Became. Ça devient. The classic answer of yes, I am coming. La réponse classique. Oui, je reviens. But when Moses moved like this. Mais quand Moïse a bougé comme ça. Where yesterday he was walking. Là où il marchait hier. Do not come any closer. On lui dit, ne t'approche pas. Now you cannot go closer. Maintenant, tu ne peux plus t'approcher. Yesterday, hier, you were pocketing there. Tu avais la main dans la poche, tu marchais là. Like this. Tu marchais comme ça là. But today, mais aujourd'hui, because the glory has come, à cause que la gloire est venue, you cannot come closer. Tu ne peux pas t'approcher. I know some of you are already understanding the message to the church. Je crois que certains d'entre vous ont déjà compris le message pour l'église. Did you understand why I've come here? Avez-vous compris pourquoi je suis venu ici? Oh yes. Oh oui. The moment of truth in the church. Le moment de vérité dans l'église. Your nation, votre nation, would have lived like that. Pouvait continuer à vivre comme ça. Without ever knowing. Ne sachant pas. That the glory of God. Que la gloire de Dieu. Has visited the house. A déjà visité la maison. He says. Il dit. Do not come any closer. N'approche pas d'ici. Remove those sandals. Enlève tes sandales. For the place where you are standing. Parce que l'endroit où tu te tiens. Is now holy ground. Et maintenant une terre sainte. Yesterday you walked there. Hier il a marché là. But now. Mais maintenant. You cannot do that there like this. Tu ne peux pas plus faire ça comme ça. It is now holy ground. C'est maintenant une terre sainte. In the church. Dans l'église. Yesterday. Hier. You were pocketing, you know. Most, you, know la poche. You know, if you go to psychologists, tu vas chez les psychologues, people who study body language. C'est les gens de psychologue, ceux qui étudient les comportements des corps. When you walk pocketing like this, quand tu marches avec la main dans la poche comme ça, the person you are speaking with, la personne avec qui tu parles, it speaks about familiarity. Il parle de la familiarité. A collegiate, colleague. C'est un genre, un collègue. You are familiar. Vous êtes familier avec. Yesterday you were walking in the altar of the Lord. Hier, tu marchais dans l'autel de Dieu. You are saying, the book of Isaiah. Tu disais, dans le livre d'Isaïe. You were doing that yesterday. Tu faisais ça comme ça hier. With those sandals. Avec ces sandales. But today. Mais aujourd'hui. Because the glory has visited. À cause que la gloire a visité. He says. Il dit. Do not come any closer. Viens pas, ne t'approche pas. For the place where you are standing. La gloire où tu te tiens. Has now become. Est devenu. Holy ground. Intercept. The Lord is now in the house. Le Seigneur est maintenant dans la maison. Yesterday, yeah, you may have been preaching here. Tu prêchais ici with the sandals. Avec les sandales dans les pieds. Of sexual immorality. Avec les moralités sexuelles. Looking at women. Regardant aux femmes. The girls. Les femmes. You are popular with the girls. Tu es populaire avec les filles. In the church. Dans l'église. They say. It is that pastor. C'est pasteur. Pastor Jack. Pasteur Jacques. When he preaches. Quand il prêche. He makes me happy. Il me rend heureux, content. Then you know. Alors tu sais. There is something sick in that relationship. Il y a quelque chose qui est malade dans cette relation. Something is very sick. Il y a quelque chose qui est très malade. Hey, hallelujah. And he's saying, alors il dit, yesterday, yeah, you were preaching here, tu prêchais ici, with the sandals of immorality, avec les sandales de l'immoralité. But today, mais aujourd'hui, because the glory has come, parce que la gloire est venue, do not come any closer, approche, remove the sandals, enlève les sandales, from the place where you are standing, parce que la gloire tu te tiens, is now holy ground, maintenant c'est une terre sainte, you cannot, tu ne peux pas, you cannot, tu ne peux pas. You cannot anymore. Tu ne peux plus continuer comme ça. Yesterday. Yeah. You were preaching here. Tu prêchais ici. With the sandals. Avec les sandales. Of false apostles. Des faux apôtres. False prophets. Les faux prophètes. You are saying, Tu disais, And this is not my imagination. Ça, c'est pas mon imagination. This is the Lord. Ça, c'est le Seigneur. That is when you know. Alors tu sauras. That is his imagination. Ça c'est son imagination qui arrive. You may have been preaching there. Tu peux être en train de prêcher là-bas. With the false prophecy. Dans la prophétie fausse humaine. The sandals of false prophecy. Les sandales de fausse prophétie. Sandals of false apostles. Les sandales de faux apôtres. But today. Mais aujourd'hui. You cannot. Tu ne peux plus. Don't come any closer. N'approche plus d'ici. Remove the sandals. Enlève tes sandales. Behold. Sois. Holy ground. La terre sainte. Oh yes. Oh oui. Witchcraft. La sorcellerie. Witchcraft. La sorcellerie. You may have been preaching. Peut-être tu prêchais. And consulting. Et consultant. Taking some offering prenant quelques offrandes to the witch doctors. Chez les docteurs, les sorciers, les... So he can anoint you with some black oil. En fait, tu te rends avec une onction noire. Some black oil. Avec une onction noire. Avec de l'huile noire. He will give you some dust. Il va te donner un peu de poussière. Dust. Un peu de poussière. He will give you dust. Il va te donner quelques poussières. And he will tell you. Il va te dire. He will tie it for you in a polythene paper. Il va te t'attacher pour toi dans un papier. And he will tell you. Il va te dire. Put it in the pocket. Mets ça dans ta poche. And when you go and meet that woman. Et quand tu vas aller rencontrer cette femme. Keep touching it. Continue à toucher la feuille. Continue à toucher ça. When you touch it, quand tu touches là, she will become a member of your church. Elle va devenir membre de ton église. And she will bring the money to the church. Elle va amener l'argent à l'église. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. I know you. Je te connais. I know you. Je te connais. I know you inside out. Je te connais de l'intérieur à l'extérieur. You are preaching and touching the dust. Vous prêchez en touchant à la poussière. You just touch the dust. C'est quand tu touches la poussière. When you get near that person. Quand tu approches la personne. They will just be confused. Ils seront confondus. They will just... Ils vont être confondus comme ça. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! It is over. C'est fini. Finished. C'est fini. He's saying. Il dit. That behold. Voici. The house of the Lord. La maison du Seigneur. Now become. Est devenu. Holy ground. La terre sainte. Finished. C'est fini. Holy ground now. La terre sainte maintenant. That's why I come. C'est pourquoi je suis venu. That's why I told you. C'est pourquoi je vous ai dit. You can leave lunch. Vous pouvez oublier le dîner. You eat better at home. Vous mangez mieux à la maison. You eat much better. Vous mangez mieux à la maison. Allow me say the holy words of Jehovah. Permettez-moi de dire les paroles saintes de l'Éternel. He's saying. Il dit. Because he has visited the church. Parce qu'il a visité l'église. Behold. Voici. The house of the Lord. La maison du Seigneur. Has now become. Est devenue maintenant. Holy ground. La terre sainte. Jehovah. L'Éternel. Is now tabernacle. Il a tabernacle. In the house. Dans la maison. The Lord is in the house. Le Seigneur est dans la maison. Listen to this. Écoutez ceci. What does it mean to remove sandals? Qu'est-ce que là ça veut dire d'enlever les sandales? Look, everybody look at me. Regardez vers moi. Everybody is looking at me. Regardez-moi s'il vous plaît. If you see somebody do this, si tu vois quelqu'un faire ceci, they go, il part, they start to remove sandals. Et puis il commence à enlever les sandales. It's a sign of humility. C'est un signe d'humilité. Humility before the Lord. L'humilité devant le Seigneur. The removing of sandals. Enlever les sandales. Removing of sandals, enlever les sandales, is a sign of rest. Number one, humility. Premièrement, ça veut dire l'humilité. Number two, respect. Deuxièmement, ça montre le respect. Number three, reverence. La troisième chose, la révérence. Number four, numéro quatre, a sign of, le signe de, that place is separateness, separated from here. Cet endroit est séparé d'ici. It is a separate place. Cet endroit séparé. Meaning, ça veut dire, the house of the Lord, la maison de Dieu, is now a separate place. Est maintenant un endroit séparé. And in Kenya, et au Kenya, and Congo, et au Congo, sometimes, des fois, they go to church, ils vont à l'église, to commit, pour faire, sexual sin in the church, le péché sexuel dans l'église même. Inside the church, à l'intérieur même du bâtiment de l'église, the youth do it. Les jeunes le font. The pastors do it. Les pasteurs le font aussi. And he say, et il dit, now, maintenant, it is a separate. C'est un endroit séparé maintenant. If you want to do your sin, si tu veux faire ton péché, do it out there, not fais here. Fais ça dehors, là-bas, pas ici. Hallelujah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, le Congo. Bonjour, le Congo. Today, Aujourd'hui, the house of the Lord, la maison du Seigneur, has now become holy ground. Est devenue la terre sainte. If you have been coming here, si tu venais ici, with the sandals, avec les sandales, of your short skirts, avec vos jupes courtes, for men, pour les hommes, to see your legs, de voir tes jambes, of Vaseline, avec les Vaseline, he's saying, il dit. Don't come any closer. N'approche plus. Remove those sandals. Enlève les sandales. Behold. Voici. The house of the Lord. La maison du Seigneur. Is now holy ground. Et maintenant la terre sainte. If you have been coming here. Si tu venais ici. Wearing those trousers. Amenez les jupes serrées. Pantalon. Les pantalons serrés. As a woman. Un moment. Women wearing trousers. Les femmes portant des pantalons serrés. In the church of Christ. Dans la maison de Christ. He's saying. Il dit. Hey. Hey. Don't come closer. Ne mets pas ça ici. Behold. Voici. The house of Jehovah. La maison de l'Éternel. Is now holy ground. Et maintenant la terre sainte. Those trousers out in the bar. Ces pantalons. In the discotheque. Dans les discothèques. But not in my house. Mais pas dans ma maison. Oh yes. Oh oui. Your sons. Vos fils. If they have been coming here. Car s'ils venaient ici. With the earrings. Avec les boucles d'oreilles. If you walk with earrings in San Francisco. Si tu marches avec les oreilles, les boucles d'oreilles à San Francisco. In Chicago. À Chicago. The homosexuals. Les homosexuels. They will know. Oh, that's the. They follow you. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. That is a new person. Ça, c'est une nouvelle personne, hein. That is a new person in the market. Ça, c'est une nouvelle personne dans le marché. It is a sign of homosexuality. C'est un signe d'homosexualité. He is telling your sons. Il dit à vos fils. Hey. Hey. Don't come here. Ne venez pas ici. With those earrings. Avec les boucles d'oreilles. Behold. Voici. The house of Jehovah. La maison de l'Éternel. Is now holy ground. Et maintenant la terre sainte. Your sons. Vos fils. Wearing sagging trousers. Portant les pantalons baissés. Half trouser. Les pantalons baissés au milieu. He's saying. Il dit. Don't bring them here. Ne les amenez pas ici. In this place. À cet endroit. There is holy ground. C'est une terre sainte. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. That's why I come. C'est pourquoi je suis venu. How? How? Pourquoi? How can the Muslims? Comment est-ce que les musulmans? Muslims. Les musulmans. How can the Muslims? Comment est-ce que les musulmans? Who have no Holy Spirit. Qui n'ont pas le Saint-Esprit. Dress holier. Ils s'habillent plus saintement. Than the church. Que l'église. That is a lie. Ça c'est un mensonge. That is not true. Ce n'est pas vrai. Who is the light of the world? Qui est la lumière du monde? I want to finish. Je veux finir. Oh yes. Oh oui. He's saying. Il dit. They do like this. Ils font comme ça là. They say time out. Ils say time out. Time out for sin in the church. C'est time out pour le péché dans l'église. For women to come and show their legs in the church. Pour que les femmes viennent montrer leurs jambes à l'église. It is finished. C'est fini. This house. Cette maison. Is not a house of immorality. Ce n'est pas une maison d'immoralité. It is now holy ground. Maintenant c'est la terre sainte de Dieu. And Moses asked. Et Moïse a demandé. Moses asked. Moïse a demandé. But how will the people of the world. Comment est-ce que le peuple du monde. Know that you have visited us. Saura que tu nous as visité. And he's saying. Il dit. That your life must change. Votre vie doit changer. Your life must change. Votre vie doit changer. And when they see you holy. They will know that I have visited you. Je vous ai visité. When they see you, quand ils vous voient, walking holy, marchant dans la sainteté. Let me mention this. Laissez-moi mentionner ceci. The following points. Le point suivant. Your talk must change. Votre façon de parler doit changer. Talk. Votre manière de parler doit changer. When the Lord has visited you, quand le Seigneur vous a visité, your talk, votre langage, must change. Doit changer. Number two, Numéro 2. Your walk. Votre marche. Must change. Doit changer. Number 3. Numéro 3. Your companions. Vos compagnons. Your friends. Vos amis. Your acquaintances. Vos amis, vos fréquentations. Must change. Ça doit changer. Number 4. Numéro 4. Your behavior. Vos comportements. Must change. Doit changer. Number 5. Numéro 5. Your thoughts. Votre pensée. Your mind. Votre mentalité. And your heart. Et votre cœur. Must change. Doit changer. Number 5. Numéro 6. Your destiny. Votre destinée. Must change. Doit changer. Hallelujah. Then they will know. Alors ils sauront. That I've visited you. Que je vous ai visité. Then they will know. Alors ils verront. That I've been here. Que j'étais ici. I have spoken with you. J'ai parlé avec vous. Hey. Ah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Moses asked. Moïse a demandé. But how will they know? Comment les sauront-ils? And the Lord was saying. Le Seigneur disait. Are you joking with me? Est-ce que tu joues avec moi? You have to change. Tu dois changer. When you change, si vous changez, then they will know. Alors eux ils sauront. That I've visited you. Que je vous ai visité. Hey, hey. In France. En France. We need this message in Paris. On a besoin de ce message à Paris. The city of light. La ville lumière. But we now need to bring the light of God. Maintenant on va amener la lumière de Dieu. Into the city of darkness. Dans la ville des ténèbres. Paris. Paris. Alléluia. Moses asked. Moïse a demandé. Lord. Seigneur. How will they know? Comment ils sauront? That you have loved us. Que tu nous as aimés. You have spoken with us. Et que tu nous as parlé. And the cloud has come to us. Et que la nuée est venue vers nous. And he said. Alors il dit. From this point on. À partir de ce point ici. Sanctified. Sanctifiez-vous. Consecrated. Consacrez-vous. Holy ground. La terre sainte. Holy people. Un peuple saint. My treasured possession. Ma possession, mon trésor. Holy worship. L'adoration sainte. And when you worship holy. Et quand vous adorez saintement. God's elect. Les élus de Dieu. And God's elect. Et les élus de Dieu. The mind. Leur pensée has changed. A été changée. Their heart. Leur cœur. Their thoughts. Leur pensée changed. A été changée. Their talk. Leur façon de parler changed. Changée. Their walk. Leur marche changed. A changé. Their friends. Leur camarades changed. Changée. Behavior. Leur comportement changed. Changée. Destiny. La destinée changed. Changée. They are going that way, you are going this way. Et ils retournent à l'arrière, toi tu vas devant là-bas. In that way, dans ce sens-là, they will know, ils sauront, that I have visited you. Que je vous ai visité. Oh, this church. Oh, cette église. Exodus chapter 19. Exode 19. Exodus 19. Exode 19. I'm starting from verse 3. Je commence au verset 3. Because Moses asked. Parce que Moïse a demandé. But how will they know? Mais comment sauront-ils? That you have visited us. Que tu nous as visités. And loved us. Et que tu nous as aimés. And blessed us. Et tu nous as bénis. It's not easy. Ce n'est pas facile. He did not say. Il n'a pas dit. Take this ID. Prends cette carte d'identité. When they meet you, show it. Quand ils vont te rencontrer, tu leur montres la carte d'identité. He said. Il dit. They will just see. Ils vont seulement te voir. If voir. They see you, si vous voient, they will just know. Ils sauront that this person has been visited. Que cette personne a été visitée par Dieu. Exodus 19 verse 3. Exode 19 verset 3. Onwards. Juste un verset. He says. Il dit ceci. Then Moses went up to God. And the Lord called to him from the mountain and said, this is what you are to say to the house of Jacob, what you are to say to the people of Israel. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, you yourselves have seen what the Lord did to Egypt, how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words you are to speak to Israel. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. He's saying, il dit, although I created the whole earth, j'ai créé le monde entier. If you will obey my commands, si vous obéissez à mes commandements, follow my decree, vous suivez mes directives, then out of the whole earth, au travers de tous les autres peuples, to me, pour moi, even if I created the whole, all the nations, même si j'ai créé toutes les autres nations, to me, pour moi, you will be a treasured possession. Vous serez un trésor que je possède. A chosen people. Un peuple choisi. A holy nation. Une nation sainte. A nation of priests. Un pays de sacrificateurs. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The book of 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. I need to talk to the church. Je vais parler à l'église. 1 Peter chapter 2. 1 Pierre chapitre 2. Verse 9. Verset 9. Once you are there, let me know. Si vous êtes là, dites Amen. Verse 9. Verset 9. And he says, il dit, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into the wonderful light. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Verses 5 to 6. Verset 5 à 6. Once you are there, say Amen. Quand vous êtes là, dites Amen. He says, when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, come. I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hands. Then I heard what sounded like the voice among the four living creatures saying, a quart of wheat for a day's wages, and three quarts of barley for a day's wages. But do not damage the oil and the wine. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval noir, celui qui le montait, tenait une balance dans la main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Listen to me, let me explain to you. Suivez-moi, laissez-moi vous expliquer cela. This is how, c'est comment, the visitation of the cloud of God, the revelation of God. Quand la visitation de la nuit de Dieu, la révélation de Dieu, in the church, dans l'église, distinguishes his people from the rest. Distingue son peuple du reste. That is the reason he comes. Ça c'est la raison pour laquelle il est venu. To distinguish the church from the rest of the world. De distinguer l'église du reste du monde. When the people of the world will know that the cloud of Jehovah has visited the church. Quand les gens du monde sauront que la nuée de l'Éternel a visité l'église. They will say, wow. Ils vont dire, wow. Look at them. Regarde eux. Those are the people. Ce sont les peuples. Whose God. Que Dieu. Is Jehovah. Jehovah. Et l'Éternel est leur Dieu. Those are the people of Jehovah. C'est le peuple de l'Éternel. And he's saying, et il dit, that there was a promise. Il y avait une promesse. There was a promise in the Bible. Il y avait une promesse dans la Bible. That in these days, que dans ces jours-ci, in these latter days, dans ces jours de la fin, there would be a massive revival. Il y aura un réveil massif. A massive visitation. Une visitation massive. When the prophets of old, quand les prophètes anciens, when they saw this time, quand ils ont vu ce temps ici, from that time, à partir de leur moment, they wept, ils ont pleuré, they cried, ils ont pleuré, they said, ils ont dit, oh how I wish, oh combien j'aurais voulu, I could live, que je pouvais vivre, to see that generation, de vivre voir cette génération. And the Bible promised, la promesse de la Bible, that the first rain, que la première pluie, Pentecost, la Pentecôte, which was powerful, qui était puissant, when you compare with this latter rain, quand tu compares avec la dernière pluie, it would seem like nothing. C'est comme si c'était rien. That the glory of these days, la gloire de ces jours-ci, would be mightier than the first. Il va être plus puissant que la première. That the anointing of this day, que l'onction de ces jours ici, will be mightier than the past. Il va être la plus puissant que la première. That the authority of this church, que l'autorité de cette église will ici, be greater than the other. Plus grande que la première. That the holiness of this church, que la sainteté de cette église will be higher than the other. Être plus élevé que la première. That the righteousness of this church, que la droiture de cette église will be higher than the other. Être plus grande the que la première. The power of this church, la puissance de cette église, the power, la puissance, will be greater than the other. Être plus grand que la première. And he's now saying, maintenant il dit, that when he releases the third horse, quand il libère le troisième cheval, he gives instruction. Il donne les instructions to the rider of the black horse, au cavalier de cheval noir. I am the one who gave that prophecy. Je suis celui qui a donné cette prophétie. I prophesied all the four horsemen. J'ai prophétisé sur les quatre chevaux. All over the world. Au monde entier. In fact, en fait, when that prophecy of the third horse, quand la prophétie du troisième cheval, was being fulfilled, a été accompli, I was in this church, j'étais dans son église, in Toronto, à Toronto, and all the stock markets, et tous les marchés boursiers, globally, globalement, collapsed, ont collapsé. And so when he sent the black horse, et quand il a envoyé le cheval noir, you hear him giving two prophecies, tu entends il donne deux prophéties, and then another prophecy, il y a une autre prophétie, he says, il dit, hey, there will be two churches there. Il y aura deux églises là-bas. By the way, that prophecy has continued. En fait, cette prophétie continue. That was one of the biggest prophecies I gave. Ça, c'est l'une des grandes prophéties que j'ai données. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. When you listen to the Lord speaking, quand tu écoutes le Seigneur parler, the voice from among the four living creatures, la voix au milieu des quatre êtres vivants, I have seen all the four. J'ai vu les quatre êtres vivants. Before every seal is broken, avant que chaque sceau soit brisé, he always sent a creature to me. Il envoie toujours une créature devant moi. I have stood before the throne of God. Je me suis mis debout devant le trône de Dieu. I have stood before the throne of God. Je me suis déjà mis debout devant le trône de Dieu. On every occasion, à toute occasion, when he's about to break the seal, quand il va briser un sceau, and he's saying, il dit, that when he's sending the black horse, quand il envoie le cheval noir, he's saying, il dit, that you go out there, que va là-bas dehors, but I give two prophecies. Mais je donne deux prophéties. He says one of them says, l'une dit ceci, that you are going to meet two types of churches. Tu vas rencontrer deux types d'églises. Two types of churches. Tu vas rencontrer deux types d'églises. One church, une église, is symbolized, est symbolisée, by a quart of wheat, dans une portion de blé, for a day's salary, pour un salaire d'une journée, or three quarts of barley, ou trois mesures d'orge, the low nutritional value. La the value of la barley valeur nutritionnelle is less. Est très bas. Three of them for one salary. Trois portions d'orge pour un salaire de journée. One church, une église, is symbolized, est symbolisée, by somebody going to work, par quelqu'un qui va travailler, somebody going to work, quelqu'un qui va travailler, and earning a salary, et gagne un salaire, to feed the whole family. Pour nourrir toute la famille. In the average Jewish family, le salaire moyen d'une famille juive is about 10 people. C'est autour de 10 personnes. And when you go to work, quand tu vas travailler, you earn a salary for one day. Tu gagnes le salaire pour une journée. Should be enough to feed the whole 10 people. Ça doit être suffisant pour nourrir les 10 personnes de la famille. But now, because he releases the black horse, mais maintenant parce qu'il a relâché le cheval noir, he says, il dit ceci, one day's salary, un salaire d'une journée will just be equal to one quart of wheat. Ça sera juste une mesure de blé. One quart of wheat, une mesure de blé, is just in Hebrew terms, Hebrew. Dans les termes hébreux, is just enough wheat. C'est assez de blé for one person. Pour juste une personne. For one day. Pour une journée. Meaning, ça veut dire, he was giving a prophecy. Il donnait une prophétie of famine. De la famine. And I want to speak about spiritual. Je vais parler de ça spirituellement. I know there is physical which I spoke also. Je sais qu'il y a spirituel que j'ai déjà parlé. In other words, he was saying. En d'autres mots, il disait. That the book of Amos. Dans le livre d'Amos. Chapter 8. Chapitre 8. Verses 11 and 12. Versets 11 et 12. Would be fulfilled. Ça va s'accomplir. Amos. Amos. Very fast, rapidement. Rapidement. Rapidement. Rapidement. Amos chapter 8. Amos chapter 8. 11 and 12. Verset 11 et 12. And he says, et dit, the days are coming, declares the sovereign Lord. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. When I will send a famine through the land. Où j'enverrai la famine dans le pays. Not a famine of food or a thirst for water. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. But a famine of hearing the words of God. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Men will stagger from sea to sea. Il sera alors errant d'une mer à l'autre. And wander from north to east. Du septentrion à l'Orient. Searching the word of the Lord. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu. But they will not find it. Et ils ne la trouveront pas. That famine. Cette famine là. Is happening today. Est en train d'arriver maintenant. The sheep are hungry. Les brebis ont faim. The pastors are hungry. Les pasteurs ont faim. The sheep are hungry. Les brebis ont faim. Such that. En fait, they are going from church to church. Elles partent d'une église à une autre église. They go to a church. Ils vont dans une église. They listen to the pastor. Ils écoutent le pasteur. When they feel it's good. Quand ils sentent que c'est bon. Then they say, ah. Après, ah. Again, he spoiled it. Encore, il a corrompu cela. When he said. Alors, il dit. That you see, I believe in giving. Voilà, moi, je crois à donner. God loves a cheerful giver. Dieu aime celui qui donne joyeusement. I'm looking for five people to sow a serious seed. Je cherche cinq personnes qui vont semer une semence sérieuse. A painful seed. Une semence pleine. Something that will hurt you. Quelque chose qui va te faire mal au cœur. When he started saying so, quand il commence à dire comme ça, she says, elle dit, I am still convinced. Je suis toujours convaincu. That I have to keep looking. Je dois continuer à chercher. The sheep are going from church to church. Les brebis sont en train de passer d'une église à une autre. And when people are hungry, et quand les gens ont faim, they can eat literally anything. Ils peuvent manger n'importe quoi en fait. The doctors tell you, ils vont te dire les docteurs, don't eat fried chicken and French fries. Ne mangez pas les poulets frits et les frites. Don't eat them, they are not good for your health. Ne mangez pas cela, c'est pas bon pour ta santé. But when you are hungry, mais quand tu as faim, you reach home, tu arrives à la maison, you find it, tu le trouves, you will eat it. Tu vas le manger quand même. Today, aujourd'hui, the church is in famine. L'église est dans la famine. There is lack of the word. Il y a manque de la parole. And then, alors, in the same prophecy, dans la même prophétie, he said, il dit, but if you find oil and wine, mais si tu trouves l'huile et le vin, don't destroy it. Ne le détruis pas. If you find oil and wine, si tu trouves l'huile et le vin, don't destroy it. Ne le détruis pas. The oil and wine, l'huile et le vin, stands. C'est-à-dire, the oil, l'huile, the flow of the anointing of the Holy Spirit, le courant de l'onction du Saint-Esprit, the wine, le vin, the power of that anointing, la puissance de cette onction. In other words, he was saying, en d'autres mots, il dit, there will be two churches today. One church in famine, a famine, desolation. The word is also scarce. Le monde aussi. But the other church, église, there will be a visitation. La visitation. Open heaven. Le ciel ouvert. The flow of the anointing. L'onction coule. If you meet that church, si tu écoutes cette église, preserve that church. Si tu trouves cette église, that cette is église. The bride of Christ. Ça, c'est l'épouse de Christ. Even Jesus said, même Jésus a dit, that the wise virgins, c'est la vierge, would have oil. La vierge sèche aura de l'huile. A jar of oil. Il aura les vases d'huile. This is the oil. Ça, c'est l'huile. That is how this anointing separates God's people from the rest. C'est pourquoi cette onction sépare le peuple de Dieu avec le reste du monde. He's saying, il dit, that the visitation of God the Father, la visitation de Dieu le Père, actually brings open heaven to the church. En fait, ça mène le ciel ouvert dans l'église. I don't come here to entertain the flesh. Je suis pas venu divertir la chair. No. No. I come to talk about the revelation of God is in the church. Je suis venu parler de la révélation de Dieu qui est dans l'église maintenant. Nobody is talking about it in the whole world. Il y a personne qui parle de ça dans le monde entier. It's a treasure. C'est un trésor. If you listen very carefully, si vous suivez attentivement, Ezekiel 47, Ezekiel 47, he talks about the river of life. Il parle du rivière de la vie, le fleuve de la vie, that flows from the throne of God, qui coule du trône de Dieu, bringing life to the church, amenant la vie dans l'église. This is that river. C'est ça cette rivière de vie, de l'eau vive. If you look at Isaiah 26, quand tu regardes Isaïe 26, when Isaiah saw the rapture, quand Isaïe a vu l'enlèvement, before the rapture, avant l'enlèvement, Isaiah 26, Isaïe 26, verses 19 to 21, verset 19 au 21, Isaiah calls it, Isaïe a appelé cela, the morning dew, la nuée matinale, la rosée matinale, roseo de mañana, la rosée matinale. Isaiah calls it the morning dew. Isaiah appelait ça la rosée matinale. But when Isaiah says morning dew, quand Isaiah dit rosée matinale, there is a message for the church. Il y a un message pour l'église. Why? Pourquoi? Because we know the dew is short-lived. Parce que nous savons que la rosée a une courte durée de vie. When the heat comes, the dew is gone. Quand la chaleur arrive, la rosée disparaît. The morning dew begins about 9 p.m. 10 p.m., 11 p.m. La rosée matinale commence vers 21h, 22h, 23h. When the heat of the morning comes, finish. Mais quand la chaleur de la journée matin arrive, c'est fini. Meaning short-lived. Ça veut dire que sa vie a une courte durée. This anointing is short-lived in the church. Cette onction ici a une courte durée dans l'église. If you are wise, si vous êtes sage, take it. Prends cela. Use it. Utilise-le. Prepare. Prépare-toi. And enter. Et entre. Very soon. Très it will go. Ça va partir. I have seen the vision. J'ai vu la vision. When this cloud lifted. Quand cette nuée va s'élever. When this cloud lifted. Quand cette nuée va s'élever. And when I looked inside that cloud. Quand j'ai regardé dans cette nuée. I saw people in their glorious bodies. J'ai vu les gens dans leur corps glorifié. Be careful. Faites attention. The vision of May 4th and May 5th. La vision du mai. Le 4 mai et le 5 mai. Last year. L'année passée. I saw this cloud finally lift from the earth. J'ai vu finalement cette nuée quitter la terre et monter. And when I looked. Et quand j'ai regardé. In fact. En fait. He made another one on top like this, like a storied building. Il a mis ça comme un étage, des étages de nuée. It connected to heaven. Et ça connectait avec le ciel. And when it left, et quand ça montait, ça when I looked, quand j'ai regardé, I saw people in their glorious bodies going with it. J'ai vu les gens dans leur corps glorifié en train d'en monter dans le ciel. This is the messenger of the rain. Ça c'est le messager de la pluie. This is the messenger of the cloud. Ça c'est le messager de la nuée. This is he that has seen the coming of the Messiah. C'est lui qui a vu la venue du Messie. This is he. C'est celui that has seen the church being taken. Qui a vu l'église être enlevée. Oh. This is not for flesh. C'est pas pour la chair. For eat lunch here, eat dinner where. Prendre le dîner ici, prendre le lunch là-bas. This is for the wedding feast of ça the Lamb. Ça c'est pour les noces de l'agneau de Dieu. Again. Encore. I have seen this cloud lift already. J'ai déjà vu cette nuée partir. And if I have seen it lift already. Et si je l'ai vu cette partie monter. And said it. Et je l'ai dit. It will come to pass. Ça va s'accomplir. And remember the day of rapture. Rappelez-vous le jour de l'enlèvement. Will be an irreversible day. Ça sera un jour irréversible. irretrievable day. Un jour qui ne retournera pas en arrière. It will be an unchangeable day. Ça sera un jour inchangeable. You cannot hold it and say, I am not ready, please. Hold on. Arrêtez le jour, séjour et dire, oh, je ne suis pas encore prêt, attendez. I have seen everything. The Lord showed me everything. J'ai vu toutes sortes de choses. Dieu m'a tout montré. I even know. Je connais même. On which side of the earth. De quel côté de la terre. They are pulled to above there. Ils vont tirer vers le ciel là-bas. Where they enter from. Là où ils vont rentrer. Bonjour, Congo. Alléluia. Oh yes. You can invite the false prophets to entertain your flesh. Vous pouvez amener un faux prophète ici pour divertir votre chair. But when I come, mais quand moi je viens, we must do the work of God. On doit faire le travail de Dieu. When I leave, quand je vais quitter, I must make sure the church has entered. Je dois être sûr que l'église ici va rentrer. Because parce que I may never come back. Je ne pourrai peut-être pas revenir ici. My itinerary like this. Mon itinéraire est très grand comme ça. Up to 2018. Jusqu'à 2018. If the Messiah does not come. Si le Messie ne revient pas entre temps. That's why I'm here. C'est pourquoi je suis ici. That's why I'm stretching you. I said, hold on, listen to these words. Je dis, attendez, oubliez un peu le lâche, mais écoutez ceci d'abord. I said, je dis, Ezekiel 47, Ezekiel 47, verses 1 to verse 6, verset 1 à 6, and the man measured off 1,000 cubits, et l'homme a mesuré 1,000 cubits, and he led me through the water, et m'a conduit dans l'eau, that was up to the ankle. C'était jusqu'aux chevilles. He measured off another 1,000. Il a mesuré encore 1,000 cubits. And he led me through the water. Il m'a conduit dans les eaux. That was to the knee. C'était jusqu'aux genoux. Another 1,000. Une autre mesure. To the waist. Jusqu'à la hanche. Another 1,000. Un autre 1,000 mesures. It became a river. C'est devenu une rivière. A river that I could not cross. Une rivière qui ne finit pas. If you try to cross, si tu essaies de traverser, he can only sweep you in the direction of the current. Il peut seulement te conduire dans la direction du courant. When Ezekiel saw, quand Ezekiel a vu, when Isaiah saw, quand Isaiah a vu, when Isaiah saw this, quand Isaiah a vu ça, this is what Isaiah said. Isaiah dit ceci. Isaiah saw, Isaiah a vu, this morning dew, cette rosée matinale, and Isaiah sees, et Isaiah a vu, the door to heaven open, la porte du ciel s'ouvrir. He says, il dit, enter my people, oh, entre mon peuple, into your rooms, dans tes chambres, and shut the door behind you, et ferme la porte derrière toi. Which means, ça veut dire, Isaiah saw two dispensations. Isaiah a vu deux dispensations. Isaiah 26 verse 19 to 21. Isaïe 26, verset 19 à 21. 26, 19 to 21. 26, verset 19 à 21. When Isaiah saw this visitation. Quand Isaïe a vu cette visitation. Isaiah saw. Isaïe a vu. The open heaven. Le ciel ouvert. And he saw the church. Et il a vu l'église. Entering into the rooms. Entrer dans les chambres. The same rooms. Les mêmes chambres. That Jesus said. Que Jésus a dit. In John 14. Dans Jean 14. That I go to my father's house. Que je vais dans la maison de mon père. To prepare a place for you. Préparer des places pour vous. In my father's house. Dans la maison de mon père. There are many rooms. Il y a plusieurs chambres. Isaiah saw. Isaïe a vu. The church. L'église. When this glory came. Quand cette gloire descend. The church entered their rooms. L'église est rentrée dans ses chambres. Meaning he saw the open heaven. Ça veut dire il a vu le ciel ouvert. But then Isaiah sees also. Alors Isaïe aussi a vu. Shut the door. Fermez la porte. Isaiah sees the door closed. Isaïe a vu la porte fermée. I have come here. Je suis venu ici. To announce to this nation. D'annoncer à cette nation. That very soon. Que très bientôt. The door. La porte. To heaven. Du ciel. Is going to close. Sera fermée. Enter now. Entrez maintenant. Enter now. Entrez maintenant. On that day. À ce jour-là, he does not come to open. Il ne viendra pas pour ouvrir. He comes to close. Il viendra pour fermer. You can see, it's already open. Vous pouvez voir maintenant, c'est déjà ouvert. That's why every vision I give. C'est pourquoi chaque vision que je donne. You always hear me say. Vous entendez toujours je dis. And I saw heaven open. Et j'ai vu le ciel ouvert. And I saw heaven open. Et j'ai vu le ciel ouvert. And I saw heaven open. Et j'ai vu le ciel ouvert. He say. Il est en train de dire. This is the dispensation. Ça c'est la dispensation. Of open heaven. Du ciel ouvert. If you want to enter. Si tu veux entrer. Enter now. Entre maintenant. On that day, à ce jour-là, he simply comes. Il vient simplement to shut the door. Fermer la porte. He will not go on TV Mundo, Monday Mundo. Il n'ira pas à la télévision mondiale du monde. Mondial du mundo. La télévision du monde. He will not come on TV 5 Mundo. Il ne viendra pas à la TV 5 mondiale. Or France 24. Ou France 24. And say, excuse me, people of the world. Il dit, excuse-moi, le peuple du monde. Excuse me, but we have to interrupt our broadcast. Excusez-moi, je vais interrompre votre diffusion. This is a special announcement. Ça, c'est une annonce spéciale. We are sorry, we have to do this. Nous excusons, on doit le faire. We have to interrupt the football. On doit arrêter le football. To bring you this special announcement. Vous amener cette annonce spéciale. The rapture is about to happen. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. There will be nothing like that. Il n'y aura rien de semblable. That announcement, cette annonce, is happening. Ça se passe here, right. Now, ici et maintenant. If you want to enter, enter. Si tu veux entrer, entre. I have literally taught you teaching. Je vous ai littéralement enseigné. Because of what is at stake. À cause de ce qui s'avance. The coming of the Messiah. La venue du Messie. I told you I am responsible. Je vous ai dit que je suis responsable. When the Lord gives you such visitation, quand Dieu vous donne telle visitation, then he also gives you a lot of responsibility. Il te donne aussi beaucoup de responsabilités. I have to do it perfect. Je dois le faire parfaitement. If I don't, si je ne le fais pas, he hit me. Il va me frapper. You people, how are you? Comment allez-vous? He comes to restore worship. Il vient pour restaurer l'adoration. He comes to bring revival. Il vient pour amener le réveil. This visitation of God the Father. Cette visitation de Dieu le Père. When he comes to church. Quand ça vient à l'église. He also comes. Il vient aussi. To anoint his people. Pour oindre son peuple. The book of Numbers. Le livre de Nombres. Numbers chapter 11. Nombres chapitre 11. I have literally taught you. En fait, je vous ai enseigné, littéralement enseigné ces choses. And yet my job, alors que mon travail, is supposed to come here, est supposé de venir ici, and say I have seen the coming of the Messiah. Et dire, je vis la venue du Messie. Prepare the way. Préparez le chemin. The Lord is coming. Le Seigneur revient. Turn away from sin. Détournez-vous du péché. And then I walk away. Après, je marche, je m'en vais. But I've literally invested time in teaching, teaching. J'ai littéralement investi le temps pour enseigner. That Jesus, afin que Jésus, may not be humiliated. Ne soit pas humilié. On that day. À ce jour-là. Hallelujah. Hallelujah. Numbers chapter 11. Nombre chapitre 11. You see, you watch TBN. Vous regardez TBN. TBN. Christian TV. Les télévisions chrétiennes. They are playing games. Ils jouent un jeu là-bas. You watch them, you say, tu regardes, tu les regardes, tu dis, they are still doing this. Ils continuent à faire ça. But they have done it for many years. Mais ils ont fait ça pendant des années. It is too old now. C'est maintenant très vieux maintenant. But the Lord has made all of them blind. Mais le Seigneur les a tous rendus aveugles. And then, alors, the Lord comes to Congo Brazzaville. Le Seigneur vient au Congo Brazzaville. And open his heart. Et ouvre son cœur. The other people are blind. Les autres peuples sont aveuglés. But he comes to Congo Brazzaville. Mais il vient au Congo Brazzaville. And open the heart. Mais il ouvre son cœur. And he said, my people. Il dit, mon peuple. Enter, enter. Entrez, entrez, entrez. You enter. Vous entrez. Don't worry about the other people. Ne vous inquiétez pas des autres peuples. We will remember this day in heaven. On va se rappeler de ce jour au ciel. We will be dancing on with the Lord. On va danser au Seigneur. We will remember. On va se rappeler de ce jour. When many nations, quand beaucoup de nations, were doing other things, sont en train de faire autre chose, preparing to watch football, préparer de regarder le football. We will remember. Maintenant, on va se rappeler that for us we assemble, que pour nous nous sommes rassemblés, to talk about the kingdom of God, de parler du royaume de Dieu, and how to enter, de comment entrer. How beautiful! Comment belle est la chose! The book of Numbers 11. Numbers chapter 11. Numbers 11 verse 16. Numbers chapter 11 verse 16. He says. He did. The Lord said to Moses, bring me 70 of Israel's elders who are known to you as leaders and officials among the people, have them come to the tent of meeting, that they may stand there with you. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. I will come down and speak with you there, and I will take of the spirit that is on you and put the spirit on them. They will help you to carry the burden of the people so that you will not have to carry it alone. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. And then verse 24 he says. Au verset 24 il dit. 24 he said, so Moses went out and told the people what the Lord said, and then he brought the 70 elders. Now let me explain. Laissez-moi expliquer ceci. The Lord, le Seigneur, wanted to anoint the elders of Israel. Il voulait oindre les anciens d'Israël. There was a crisis. Il y avait une crise. There was too much work. Il y avait beaucoup de travail. And so there is need for servants. Et il y avait un besoin de serviteurs. There was too much work. They needed servants. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait besoin de serviteurs. They needed servants. Ils avaient besoin de serviteurs. And so, because of that, à cause de cela, he asked Moses to call them. Il a demandé à Moïse de les appeler. But there was a little crisis. Il y avait une petite crise. People did not want to obey. Les gens ne voulaient pas obéir. Disobedience. La désobéissance. And then he said, bring them. Il dit, amène-le. And then, alors, this same cloud came down. Cette même nuée ici est descendue. And anointed them. Et les a oint tous. When they went back to the camp, quand ils sont retournés dans les camps, they began to prophesy. Ils ont commencé à prophétiser. And everybody in the camp feared them. Et tout le monde dans les camps les a craints. So when this cloud comes down, alors quand cette nuée descend, he comes down to anoint his people. Elle descend afin de oindre son peuple. Not just to distinguish his people, non seulement de distinguer son peuple from the rest of the world, du reste du monde, but also to anoint them. Mais aussi de les oindre. The last thing I want to share. La dernière chose que je veux partager. When this cloud comes, quand cette nuée descend, he comes, elle vient to establish, d'établir the statutes of God. Les statuts de Dieu. Only here I have taught it. C'est seulement ici que j'enseigne ça. Okay, now we go to Exodus chapter 24. On va maintenant à Exode 24. 24 verses 9 to 18. Exode 24, verset 9 à 18. 9 à 18. And then the book of Psalm 99. Et après, le livre de Psaume 99. Verse 7. Verset 7. Thank you. So let us go to Psalm 99. Allons dans le Psaume 99. But you make sure you read 24, Exodus. Soyez sûr de lire Exode 24. Verses 9 to 18. Verset 9 à 18. And also Psalm 99. Aussi Psalm 99. Verse 7. Verset 7. I want to talk about Joel. Je voulais parler de Joel. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. The promise of the anointing. La promesse de l'onction. Yes, now listen to this. Maintenant écoutez ceci. When he comes in this cloud. Quand il vient dans cette nuée. He came and he established his law. Il vient et il établit sa loi. In fact, through this cloud, en fait, au travers de cette nuée, he gave the law to Moses. Il a donné la loi à Moïse. So you can read the rest. Alors vous allez lire le reste. Deutéronome chapitre 11, from verse 8, à partir du 8e verset. Observe therefore all the commands I'm giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession. And so that you may live long in the land that the Lord swore to your forefathers to give them and their descendants, a land flowing with milk and honey. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Number 10 is for you. Verset 10 c'est pour vous. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated by foot as in a vegetable garden. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sorti, où tu jetais dans les champs ta semence et tu arrosais avec tout ton pied comme un jardin potager. But the land you're crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain directly from heaven. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. So if you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and serve him with all your heart and with all your soul, then I'll send you rain in your land in a season, both the autumn and spring rains, and I'll give you grain, and I'll give you fodder, and I'll give you oil, and I'll give you new wine, and you will eat, and you'll be satisfied. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, vous aimerez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Tu mettras aussi dans les champs, je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Listen very carefully. Écoutez attentivement. What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? When this cloud came to Israel, quand cette nuée est venue en Israël, in the wilderness, dans le désert, that is what he said. C'est ce qu'il a dit. He looked at Israel, il a regardé Israël, and he realized, il a réalisé, there was a little confusion. Il y avait une petite confusion. They were behaving, ils se comportaient, in the behavior of Egypt. Dans le comportement de l'Égypte. In Egypt. En Égypte. It did not matter. Ça ne valait pas la peine. No es importante. C'était pas important. How you worshipped. Comment tu adores. Which God you worshipped. Quel Dieu tu adores. You woke up every morning. Tu te réveilles chaque matin. And the river Nile was there. Et la rivière du Nil était là. And you went and fetched water. Et tu vas prendre de l'eau. And he says, dit, you irrigated by foot. Et tu as irrigué ton champ avec ton pied. By foot. Avec ton pied. Like in a vegetable garden. Comme dans un potager. With your children and wife. Avec tes enfants et ta femme. Fetch water. Tu prends de l'eau. Whether you worship the Egyptian God. Même si tu adorais le Dieu égyptien. Or you are just a free spirit. Ou bien tu es un esprit libre. That does not believe in any God. Tu ne crois en aucun Dieu. You woke up in the morning. Tu te réveilles le matin. And you still found the river Nile. Tu vas trouver seulement le Nil coulé là. And he was telling them. Il leur disait. The land where this glory is taking you. La terre où cette nuée vous amène. Is not Egypt. Ce n'est pas l'Égypte. It is not like Egypt. Ce n'est pas comme en Égypte. There is no river Nile in Jerusalem. Il n'y a pas de rivière Nile à Jérusalem. Rio Nilo. Il n'y a pas le Nil là-bas. There is no. He was telling them, you people, be careful. Il a dit, faites attention vous les peuples. There is no river Nile there. Il n'y a pas la rivière Nile là-bas, le fleuve Nil. He said. Il dit, the land this glory is taking you. Le pays où cette nuée vous amène. Is a land of mountains and valleys. C'est un pays de montagnes et de vallées. That drink rain direct from heaven. Qui boit les pluies qui viennent du ciel. Meaning. Ce qui veut dire. It is a land of open heaven. C'est un pays du ciel ouvert. Hallelujah. Meaning. Ça veut dire. It is a land. C'est un pays. That has. has rain coming from God direct. Qui a la pluie qui vient de Dieu directement. Meaning, ça veut dire, when you go there, you have to be careful. Quand tu vas là-bas, tu dois faire attention. Stop this carelessness here. Arrête cette négligence ici. This casual worship of Brazzaville. Cette façon d'adorer de Brazzaville. The land where this glory is taking you is not Congo Brazzaville. Le pays où t'amène cette nuit n'est pas Congo Brazzaville. Where you worship the way you want. Où tu adores comme tu veux. Be careful. Faites attention. He's saying, il dit, there is no river Nile there. Il y a pas le fleuve Nile là-bas. There, là-bas, you have to ensure your relationship with Jehovah is straight. Tu dois être sûr que ta relation est correcte avec l'Éternel. That he may keep the heavens open. Afin qu'il garde le ciel ouvert. Otherwise, sinon, if he closes heaven, s'il ferme le ciel, you will die. Vous allez mourir. That is the message. C'est ça le message. Even to the church. Même pour l'église. This cloud, cette nuée, is taking the church, amène l'église, from Congo Brazzaville, de Congo Brazzaville, and Pointe Noire, de Pointe Noire, is taking the church, il amène l'église, to the New Jerusalem, à la nouvelle Jérusalem, to the land, au pays, that directly depends on Jehovah, qui dépend directement de l'Éternel. You have been doing your ministry in Congo Brazzaville. Tu es en train de faire ton ministère au Congo Brazzaville. The way I see all of you. La manière que je vous ai vu tous. Your ministry. Votre ministère. Of fetching water. D'arroser l'eau avec le pied. And irrigating by foot. Et en train d'irriguer avec le pied. He said, not anymore. Il dit plus jamais ça. There is no River Nile. Il n'y a pas le fleuve Nil. We have to now depend on the Lord. On doit maintenant dépendre de l'Éternel. That is where revival is. C'est là qu'il y a le réveil. Did you understand me? Vous me comprenez? The devil wants to take the church to hell. Le diable veut amener l'église dans l'enfer. And the pastors are dancing with the devil. Et les pasteurs sont en train de danser avec le diable. Non. Non. Liberty has come. La liberté est venue. Freedom has come. La liberté est arrivée. I have come here. Je suis venu ici. To announce to this nation. D'annoncer à cette nation. That very soon. Que très bientôt. The door. La porte. To heaven. Du ciel. Is going to close. Sera fermée. Enter now. Entrez maintenant. Enter now. Entrez maintenant.